Voilà le club VIP qui va démarrer à son compte à rebours et c'est Léna qui fait le compte à rebours pour le démarrage officiel du club VIP. C'est important qu'il y ait un démarrage officiel et c'est la voix du démarrage. À toi Léna. 3, 2, 1, vas-y. Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchante la tête. Mais oui, mais pas trop comme on dit souvent, parce que ça peut faire mal de déjanter la tête. Avec une Léna au sommet de sa forme sur le 107.4 à fond. Ouais. Et un programme au sommet également. Qu'est-ce que nous retrouvons aujourd'hui, jeudi? J'avais hâte d'écouter cette émission, donc je me suis dit, tiens, on va retrouver des choses bien sympathiques. Alors, comme d'habitude, le sondage du jour, la Summer Chronique avec le Rétromédia. C'est le Rétromédia aujourd'hui? C'est le Rétromédia aujourd'hui. Oui, ah bah c'est ce que j'attendais. C'est vrai, j'ai attendu toute la semaine le Rétromédia. C'est vrai, le journal de la rédaction et notre saint du jour. Ah oui. Le saint à l'honneur, avec le canular, et puis voilà pour cette première heure. Je suis d'humeur un peu guillerette, alors je pense que des canulars, nous en aurons au moins deux. Au moins deux? Ouais. Mais il n'y a qu'un prénom aujourd'hui. Ouais, mais on va tout faire sur le même, on D'accord. va s'acharner comme des fous. C'est le club VIP qui démarre en trombe avec T'es OK, Everything Alright. VIP. Les huîtres. Tous les jours, entre 10h30 et 12h30, joue au Sun Game et gagne 4 douzaines d'huîtres. 4 douzaines d'huîtres. Oui, tu as bien entendu, près de 58 gratos. Gratos. Tu t'enlèches les babines d'avance. Coût estival entre 10h30 et 12h30. Club VIP. Voilà, le Club VIP est reparti dans une ambiance totalement folle de l'été Summer 2007. Avec à suivre Léna. Le sondage du jour. Ouais, c'est cool ça. Et ça va parler de quoi aujourd'hui? Je ne sais pas encore, j'en ai deux, donc je vais choisir. Ça va être au choix. Ouais. Numéro SMS pour nous joindre, 0622 69 18 19. C'est bien dit ça. Et pour la musique, Mika, Love Today. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me. Love Today à l'instant sur l'antenne du club VIP. Vous êtes des very important auditeurs, alors VIA aujourd'hui exceptionnellement. Et nous allons retrouver une partie qui compte beaucoup ici à la radio puisqu'il s'agit de chiffres. On aime beaucoup les chiffres, les stats, les résultats. Et voici que Miss, l'experte en chiffres, débarque sur l'antenne pour nous donner ses commentaires sur un sondage, le sondage du jour. Le sondage du jour. Toutes les tendances enfin déchiffrées par notre expert. Alors, Jack, t'as le choix entre deux sondages. Soit un sondage avec... Le premier sondage. J'ai pas encore bu mon jus d'orange, c'est pour ça, je suis un peu... Le deuxième sondage. Ah ouais, c'est beau, fais-toi de moi. Donc en fait, le deuxième sondage aujourd'hui, ça... Donc ça correspond aux tendances vestimentaires. J'ai pas choisi. Tu m'as dit le deuxième. Ah ouais, mais je rigolais, j'ai pas entendu. Je peux pas choisir si j'ai pas entendu. Bah, le premier c'est sur du chocolat et le deuxième c'est sur des vêtements. Chocolat. Donc bon, on y va. Quels sont vos Pimps préférés? Mais ça, c'est un gâteau hein, fourré à quelque chose. Voilà, et en fait, on m'a dit en premier à l'orange, en deuxième à la framboise et en troisième à la poire. Le premier, c'est à l'orange? Oui, le Pimps classique. Ah ouais, mais non. Non. Le vrai... Bah aussi, ouais. Ah, l'orange, ça va, hein. Franchement, c'est sympa, orange chocolat. Ouais, mais je resterai framboise. Toi, tu restes framboise. Donc, si, je suis en combien? Toi, t'es en deuxième. Ouais, ça va. Et toi, t'étais en combien? En troisième, à la poire. Ouais, hop, ça m'étonne pas. Ça aurait pu être du caramel que t'aurais sauté dessus. Oui aussi. Nous allons attaquer la suite du programme avec Maroon 5. On va monter Puissance Millennium. On salue nos web auditeurs et tout team. Salut. Et puis on part avec Maroon 5. Estival. Puissance Millennium. VIP, la suite, c'est maintenant que ça se passe, c'est ici dans les studios, dans le 107.4. On va recevoir également des invités, c'est pour ça que je vous mets au courant. Il y a un groupe excellent qui va se produire d'ici peu sur scène ce soir, même jeudi soir à 21h. Et puis ça, on va les avoir également ici en micro, en invité guest star comme on dit dans le jargon. La suite du programme, Léna, je sais ce que c'est et tu vas me rappeler. Ah. Parce que... C'est la chose la plus attendue. C'est la Summer Chronique avec le Rétro Média. Voilà, alors aujourd'hui on va... Bah, je vais te laisser le choix, hein, c'est ça, on va faire comme ça, on va faire une émission à choix multiples et tu choisiras ta Summer Chronique du jour. On pourra même demander à nos invités laquelle chronique veulent-ils écouter avant de commencer l'interview pour se mettre en chauffe, hein, comme on dit. Le système c'est chaud, bah ça brûle. C'était à l'instant ces choses ça brûle. Magic System, on aime bien passer celle-là. C'est vrai qu'ils ont sorti leur dernière. Qui dit mais qu'on retrouvera également tout au long du programme musical. Nous sommes en compagnie d'un des leaders charismatiques du groupe Face Caché. Hide and Sense. Ouais, je sais plus à chaque fois. Hein. Hide and Sense. J'aime bien le dire en français aussi. Ouais. Enfin, vous êtes des invités récurrents ici à la radio. Ça fait la combienième fois que vous venez dans les studios? Récurrent, ça fait la deuxième fois qu'on est invité ici. Vous avez signé le petit mot derrière? Non, je crois pas. Faut faire maintenant à la radio, ouais, ça marche comme ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on vient souvent ici, quand on va répéter, on passe souvent par le local. Voilà, alors Hide and Sense, on va savoir un peu l'évolution de la carrière, tout ça, puisqu'il y a eu entre la première interview et celle-là, il y a eu une victoire, il y a eu le podium Jeune Talent qui a été gagné, pas mal de scènes, je me suis laissé entendre dire, et on verra tout ça. Alors là, je te propose deux choix. Nous allons retrouver une rubrique qui s'appelle le Rétro Média. D'accord. Qui est une rubrique qui concerne un peu l'actualité du passé. Comment on dit, les archives. Les archives, sur une thématique. Il y a la thématique boys band ou la thématique football, hymne football de foot. On la demande de Mathieu, je vais prendre boys band. D'accord, bon, on plonge dans ses souvenirs des années 90 avec le Rétromédia spécial boys band. Rétromédia, Rétromédia, les archives audio oubliées. Rétromédia, c'est la rubrique consacrée aux fichiers audio issus des différentes sources de médias, radio, TV, web. Aujourd'hui, nous revenons dans les années 90 pour redécouvrir les sons des boys bands. En France, les représentants du genre sont les 2B3. Dans la catégorie boys band, il serait injuste d'oublier le groupe Alliage qui, avec Boyzone, signe une perle musicale qu'on aime encore entendre. Encore et encore, les années 90 foisonnent de boys band. Les G-Squad réalisent un vrai chef-d'œuvre avec Mon premier et mon seul amour. Encore, vous en voulez encore? Plus près de nous, la chaîne M6 a tenté en 2003 de reformer un boys band. Les Link Up espéraient toucher les étoiles, ils ont touché les acédiques. Car visiblement, la mélodie n'a pas résonné au cœur des femmes. Ne me demande pas d'où je viens, les cicatrices sur mon chemin. Mais qu'est-ce que ça peut changer? Mon étoile pour clore ce spécial rétro-média consacré aux boys band. A bientôt pour de prochaines archives audio oubliées. Je crois à mon étoile. C'était Rétro-média, Rétro-média. À l'instant, c'était le rétro-média spécial boys band. On repart en musique avec Crystal Method, Roll It Up. c'était la Crystal Method avec le titre Roll It Up. Et vous écoutez le Club VIP. Club VIP. Club VIP, toujours en compagnie de Léna. Léna, l'experte. Oui. Oui, elle est là. Mais oui, elle est dans là. Le studio. Et la suite du programme, Léna, rappelle-moi tout ça. Ça va être le journal de la rédaction. Ouais, d'ici peu, la rédaction est en émoi, car nombre de choses se sont passées dans l'actualité. Et nous sommes en compagnie, Léna, aujourd'hui... de Hide and Sense. Yes. Tu le dis bien, elle prononce l'anglais comme moi, enfin un peu mieux, presque. Ouais. Donc, un petit tour d'horizon pour le groupe qui ne s'est pas présenté, Hide and Sense. Ça compte combien de membres? Donc ça compte 5 membres. La formation est constituée donc de, il y a deux guitaristes donc électriques, essentiellement un bassiste, un batteur et une chanteuse. D'accord. Il y a qui alors les noms? Qui fait noms. Quoi? Alors Mathieu joue de la basse, Mickaël joue de la guitare, Maxime joue de la guitare, Stéphane joue de la batterie et Aude chante. D'accord. Et alors vous avez gagné récemment il y a un an? Vous avez gagné les podiums jeunes talents. L'année dernière, on s'est inscrit au podium jeunes talents de Perros. Et donc, on avait fait deux scènes. On avait fait la fête de la musique, et, ainsi qu'un des jeudis 13 Raoult. Et après délibération du jury, en fait, on a gagné ce podium. Ouais. Ça fait quoi? Ça faisait surtout très plaisir parce que. En gagnant ce podium, on avait le droit en fait à enregistrer 6-7 morceaux grâce au Quinquis dans un studio en fait. Vous avez donc un CD dont on écoutera un titre, hein, bien sûr. Donc du coup on a un CD. Ouais. Bah ça fait plaisir. Ce soir, hein, petite actualité. Oui. Donc ce soir on joue du coup au jeudi 13 Raoult en groupe phare. Ouais. Ça doit sympa, être sympa, ça change. C'est hein. Plutôt sympa, ouais, effectivement. De l'autre côté, du côté professionnel. Avant, c'était la première partie, il y avait des pros après nous. Pareil, la première partie sera c'est un podium, ouais. Un podium encore, donc on y était l'année dernière, quoi. Et puis là, on se retrouve en groupe phare, c'est vachement sympa. Ouais. C'est bien ça. Donc en fait, en quelque sorte, tous les podiums là vont faire toute la soirée finalement. En fait, ouais, ça va être une soirée podium jeune talent. Les anciens avec les nouveaux. Quoi. Et les nouveaux. Bah, ça fait plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé par exemple, la plus grosse scène que vous ayez fait cette année? La plus grosse scène? Ouais. On pourrait dire la. C'est vrai que niveau. Si on parle niveau comment. Niveau matériel, tout ça, c'était quand même. Niveau conditions, c'était peut-être le palais des congrès, ouais. Parce qu'il y a quand même. C'est quand même une très belle salle et. Donc c'était pour la soirée association pour concert à but humanitaire. Tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai que c'était un bon moment. Vous avez suivi. C'était entre nous. D'accord. L'avenir là, dans cet été, il y a encore d'autres dates. Cet été, il y a plusieurs dates. Ouais, on a fait fête de la musique. Là, il y aura donc il y a le podium le jeudi 13 Raoult qui arrive. Bientôt, il y aura d'autres dates un peu dans le coin, dans les bars, dans d'autres événements, notamment du côté de l'Irlande, etc. On va jouer un peu dans le coin. D'accord, des lieux hétéroclites du monde de la nuit. Ouais. D'accord. Et je vais te demander à toi et à toute ton équipe de réfléchir à une espèce de remix pour Estival d'un des tubes que vous avez chanté ce soir. Ouais. Ça peut le faire? Ouais. À vue de nez comme ça, tu penses à quoi? Vous pensez à quoi? Peut-être un. On s'en fait une en un. Non, un remix, vous changez juste une parole pour inclure Estival, c'est tout, hein, ouais. Je suis gentil. Ah ouais. C'est possible ou pas? Je sais pas, ça va être. Ah bah c'est un défi, hein, c'est un défi au groupe Hide and Sense. Effectivement, c'est un défi. Ouais. Ouais, faut qu'on y réfléchisse. Et vous avez le temps, vous avez 3 minutes. Avec une Twista, Sunshine, un petit peu plus. Hein. Dollar, let's get this money. Keep my mind on. Mind on my money, money on my mind. I got my finger on the trigger, staying on the grind. And when I wake up in the morning, I got to hit a lick. Saw the 2003 90 on sprees with a kick. Soon as my eyes see the sunshine, my thoughts is juking the block and dodging the one time. Peep how we moving and rocking with pounds of dope before I double my shit. I can serve 16 ounces for 6 and get back 96. A killer for the Skrilla, nigga. Dust I be stalking, I got to get them bigger figures. Fuck what you talking, I represent them niggas balling with. jewelry full of sickles. Down to the niggas chasing millionaire dreams, serving niggas. And I know one day I gon' come up. And when you see me, don't hate when I roll up. Get paid whether you legit when you slang or tipping off cane. Until I take a dip in the range, I'm flipping them things. Gotta get that money, man. Lovely day, just got paid. Stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day. It's a lovely day, just got paid. Stack it up, be on my way. It's a lovely day, lovely day, lovely day. Hustler's definition is a hustler for scratch. You serve a motherfucker, you serve him for that. I'm making money off of verses when I spit them on tracks. And if I ain't selling no records, I'm serving them packs. I got a clip full of hollows, money making's my motto. Semi-auto with my blows in a bottle till I hit the lotto. With dreams I own and the record label flipping words. My nigga flipping builders better than he was flipping birds. Gotta get that money, man. Day, just got paid, stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day. It's a lovely day, just got paid. Stack it up, be on my way. Lovely day, lovely day, lovely day. Players that's ballin' rollin' jacks. And love for the thug niggas who get it on the app. Love for those who can make a meal and sit back and laugh. And love for the fine strippers who get it poppin' ass. Love for the single parents that's working through the struggle. Love for those who gotta make a living moving muscle. Love for those who gotta watch the haters rollin' bubbles. Causin' trouble every time a young brother try to hustle. And if I can't legally make a knot, then I gotta get right back on the block. And if it ain't no work, we do a stick up and whip up a concoction. Might leave your face down in the dirt because hurtin's not an option. Gotta get that money, man. Just got paid. Stack it up, be on my way. It's a lovely day, lovely day, lovely day. It's a lovely day, just got paid. Stack it up, be on my way. Contactez la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. David Ken. Le son 2007 de cet été chez Niveau Club. Club VIP. Et c'est le Club VIP qui repart avec son lot de bonne humeur. On va faire un petit point sur les news et après on retrouve le groupe Hidden Sense pour une composition live en direct des studios de la radio, complètement du direct. C'est une émission un peu fofolle aujourd'hui, comme tout un jeudi. Alors c'est parti, c'est le journal de la rédaction avec d'abord son lot de journal de nouvelles insolites. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Mystère au Japon, Tokyo. De nouvelles enveloppes contenant des billets de banque accompagnées d'un mot invitant à accomplir de bonnes actions étaient découvertes dans tout le Japon, transformant une singulière chasse au trésor en énigme nationale. Attention, l'autre est un peu particulière. Cours avec les vaches. Madrid, un groupe de femmes invoque l'équité entre les sexes pour justifier sa drôle de requête. Pouvoir courir devant les vaches lors des célèbres fêtes de Pamploum, puisque les hommes affrontent les taureaux. Alors les femmes, les vaches, forcément. Voilà pour les news insolites. Et au niveau du programme Cap Armor Destination Bien-être, c'est Léna qui s'y colle. Alors, pour Cap Armor, cet après-midi, retrouvez de la sculpture sur sable. Donc venez faire des animaux marins de 14h à 16h. Ensuite, on passe au sport, donc avec du hockey de 15h à 17h à Central Park, suivi d'une tech et du baseball sur la plage de Trestraou. On va faire de la tech. De 14h30 à 15h30. Et pour le baseball, c'est 15h30, 17h. Donc pour la soirée, c'est rando-kayak de 17h à 19h30. Et ensuite, venez vous initier au bowling de 19h30 à 21h, suivi du podium Jeune Talent à 21h30 pour les jeudis de Trestraou. D'accord, et également, oui. Bien-être, au niveau destination bien-être. Oui, attention, d'accord. C'est important. Donc, cet après-midi, donc, l'équipe d'animation ne sera pas sur Trestraou puisqu'elle sera dans nos studios. C'est vrai, on reçoit Destination Bien-être ici. Oui, à partir de 15h. Il va falloir tout ranger, être bien sur l'hygiène là, et passer le balai un peu partout. Bah, va falloir que tu te brosses les dents, c'est tout. Là C'est en direct, c'est à la radio que ça se passe. C'est Léna, c'est Jack, c'est le Club VIP et puis c'est Hidden Sense avec toujours dans les studios les deux principaux leader de cette formation, à savoir, rappelez-vous, à chaque fois c'est important de le faire, les prénoms et okay, Maxime. Maxime, voilà, et Mickaël, comme ça les auditeurs savent à qui ils ont affaire. Et vous allez faire un petit live. Je vous ai demandé avant le titre de réfléchir à un live un peu adapté pour Estival avec un petit mot, et puis ça sera un des titres phares normalement de ce soir. Alors Ouais, on va faire une chanson là du coup en acoustique plutôt. Ouais. De ce qu'on va jouer ce soir sur la scène. D'accord. Vous avez un retour tous, ça va? Ça colle? Oui, vous faites un top, vous allez quand vous voulez en fait. Hein. C'est vous qui lancez la machine. Ouais, merci. I can't. The light and soothing gone. Cause when I tried, the darkness won't let go. I heard my friend that you moved on. I can't listen to us anymore. It was so sweet, our world a dream. Why did you love to turn your back on me? We'll là, fallait le faire, hein, parce que je me demandais bien quand vous auriez placé le Estival FM. Je me dis non, ça va être chaud, et il le fait au moment où on s'y attend pas. Et bravo, en tout cas. Là, ça s'appelle comment, ce titre-là? Ce titre, normalement, s'appelle Tell Me. Ouais. Donc on a un peu arrangé les paroles. Ouais, bien vu. Et ce titre sera présent ce soir. Il est aussi sur notre album. Sur votre album, d'accord. Combien de temps pour préparer un album de 14 titres? Alors c'est compliqué. En fait, du coup, cet album, on a commencé à l'enregistrer en home studio en début de l'été dernier. Ouais. Donc chez moi, enfin avec un multipiste, tout ça, on a fait plusieurs sessions pour enregistrer ça. Mmh. Ensuite, on a tout mixé nous-mêmes. Et donc la deuxième partie d'enregistrement, en fait, ben, s'est passée avec grâce au Podium Jeune Talent, mmh. donc avec Harry Pierres. Et Donc, ensuite, il a fallu donc attendre que tous les titres soient mixés. Donc, on a reçu notre maquette en février, lors de la soirée à FAO. Et donc, ensuite, après, il faut l'envoyer à des studios de mastering. Il faut préparer la commande pour qu'il soit pressé, etc. Donc, on les a reçus, en fait, début juin, en fait, cette année. Donc, il faut pratiquement un an entre le moment où on commence à enregistrer et le jour en fait on reçoit les CD où ils sont tout prêts, quoi. D'accord. C'est quoi la composante de cet album? Ça parle de quoi? C'est beaucoup en anglais, hein? C'est un choix. C'est des chansons en anglais. Ça colle tout simplement en fait mieux avec les voix et la musique que l'on joue. Mmh. Et les paroles de cet album parlent de tout ce qui peut toucher comment les gens de notre âge d'aujourd'hui, la relation qu'ils ont, le rapport qu'ils ont avec le monde qui les entoure, les prises de conscience. Rapport qu'ils ont avec eux-mêmes aussi, avec leur vie qui commence à s'écouler, et puis les relations sur les rapports qu'ils peuvent avoir vis-à-vis des autres, des relations d'amour, tout ça. D'accord. On écoutera un titre, on va vous laisser le temps de la réflexion pour choisir le titre tiré de l'album, ouais. Puis on écoutera un dernier live parce que vous nous avez fait la gentillesse de venir et ça fait bien plaisir les lives. Franchement, ça met la bonne ambiance dans le studio là. Léna a le sourire aux lèvres. Et quand Léna a le sourire aux lèvres, c'est plutôt bon signe. Donc nous allons vous laisser le temps de la réflexion pour choisir une piste sur l'album. Puis nous expliquer pourquoi. Hein. Attention, il y aura un petit décryptage psychologique ou philosophique, les deux. Et pour nous allons repartir en musique avec Beyoncé. Le titre, c'est Irreplaceable. Vous écoutez Estival. La suite du programme, Léna, ça va être... Du jour. Oui, Léna, oui, pardon. Le saint du jour. Ah bon, montre bas, nous allons le voir, nous allons. Ah, nous allons le découvrir. Bah, découvrons-le alors. Have another you in a minute, and I'm back here. to the left, to the left. Everything you own in the box to the left. To the left, to the left. Don't you ever for a second get to thinking you're irreplaceable. Estival, estival, puissance millénium. Club VIP. Bah c'est le club VIP, toujours en compagnie d'Aiden Sense qui met le feu dans le studio. Vous êtes là, Aiden Sense. Alors, il y a quand même les deux leaders charismatiques qui sont là, Maxime, Michael. Michael pour la tournée aux États-Unis, non? Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, vous avez prévu. Sans rire, est-ce que vous pensez que peut-être un jour vous allez décoller pour. Parce que ça peut arriver, on a reçu ici NZH. Hein? Sachant qu'on arrête dans deux mois. On sait pas. Le problème c'est que. Attendez, révélation sur l'antenne, qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe. Vous arrêtez quoi dans deux mois? Non, tout simplement, ce qui se passe c'est que dans deux mois, comme moi je suis en maths SP, le batteur aussi. Fait ça, toi ouais. Et donc dans deux mois c'est la rentrée et on sait pas où les gens vont se retrouver. Donc la formation va sûrement évoluer, il va y avoir sûrement des musiciens qui vont rentrer, qui vont sortir, on sait pas encore comment ça va tourner. Donc c'est surtout ça le. Pour l'instant, le point d'interrogation, mais c'est vrai que sinon. Non, Matsup, t'auras pas de point d'interrogation, mais des puissances au carré. T'inquiète pas. Donc voilà. Mais ça laisse le temps, hein, tu vois. Entre deux intégrales, tu vas nous réussir à nous faire des répètes, y a pas de soucis. De toute façon, c'est une passion, ça continue, c'est ce oui, qui oui, est voilà, anime. C'est ça, non, non, mais je veux dire, ça. Tout le monde continue, mais après, selon si les gens vont partir dans certaines villes ou pas pour aller en école d'ingénieur, tout ça, après, on peut avoir moins de temps pour répéter. Bien sûr. C'est surtout ça le problème. Mais ça va évoluer. En tout cas, là, vous vivez l'été intensément, alors. Ouais, exactement. Ouais. Vous savez pas de quoi demain sera fait. Du coup, ouais, on essaie de jouer le maximum possible cet été. D'accord. On attaque avec une rubrique ici dans la radio qui s'appelle le Saint du jour. Léna, toi, tu connais le Saint du jour. Alors, attention, c'est le Saint du jour. Saint du jour, un saint à l'honneur. Bonjour, aujourd'hui, pardon, c'est pas grave, donc c'est Olivier, donc bonne fête à Olivier. Bonne fête Olivier. Donc, oui, vas-y, alors petit décryptage sur le prénom Olivier. Alors, Olivier représente la force et la sérénité de l'arbre de paix et de la Méditerranée. De l'arbre de paix? Et de la Méditerranée. C'est quoi l'arbre de paix? L'arbre c'est de l'olivier. Paix. C'est l'olivier? Bah oui, c'est l'olivier avec la colombe. Le brin d'olivier, c'est l'arbre de paix. C'est exact. Donc ça vient vraiment de l'arbre. Oui. Très bien. Une idée de canular pour appeler un olivier. Léna, je te laisse 2 secondes. Tu nous trouves le plus beau canular que t'aies jamais trouvé. Appeler une jardinerie pour commander un olivier, ce serait sympathique. Ah ouais, mais faut que la jardinerie elle s'appelle Olivier, non? Bah oui, c'est ça. Pas forcément. Si, obligé. Non, de toute façon on a dit qu'on pouvait faire 2 canulars aujourd'hui. Ouais. Donc on en fait un comme ça et puis on appelle un olivier. Voilà, ça se passe comme ça. Merci en tout cas pour ce décryptage des prénoms. Tu es experte en prénomologie, comme on dit dans le jargon. Et on va retrouver Aiden Sense pour un live. Et là, tout de suite, c'est sur l'album, c'est sur leur album qui est en vente. Si on veut acquérir l'album d'Aiden Sense, comment on fait? Tout simplement, on va en déposer quelques-uns à la Rotonde. Ou alors, il faut contacter, venir au Quinquis, ou alors nous voir directement pendant le concert ou après le concert. Et donc, on le vend simplement 5€. Là, ça va s'arracher. Et sur notre site internet aussi. Sur notre site internet, on peut nous prendre. Si on tape Aiden Sense, on arrive sur le site internet. Aiden Sense.fr et on a le site internet et on peut nous contacter pour avancer. Pour l'avoir, ouais. Vous en avez vendu combien sans indiscrétion? Je sais pas, on a un stock de 500, il y a peut-être 100-200 qui sont partis déjà. C'est bien ça. Ouais. Ah, sympa. Et la chanson que vous avez choisie s'appelle What You Do. Alors ça parle de quoi? Ça parle du coup, c'est une relation entre un homme et... comment est une femme, et c'est juste que ça se passe pas très bien, ils entendent pas du tout et ils comprennent pas ce que fait l'un par rapport à l'autre. Donc on a choisi cette chanson parce qu'on pense comme c'est celle qui représente bien toutes les autres de notre style et les autres chansons de l'album. D'accord, bon, on l'écoute. What You Do sur Estival FM, c'est sur le 107.4. Et voilà, What You Do qui part. Ça part tout de suite normalement ? Normalement. Oui, d'accord. Bon, Léna, la suite du programme, dis-moi ce qu'on va retrouver. On va retrouver bien sûr la météo des fruits de mer. Oh ! Ça va être sympa. La météo des fruits de mer. Bah en fait, on peut peut-être la faire maintenant, de toute façon. Ça peut être sympa. Bah écoute. Moi, je pense faire ça. C'est du direct live, on soit Hidden Sense en direct et je viens de m'apercevoir d'un petit souci technique. Enfin, c'est même pas un souci. C'est parce qu'à mon avis, Fergie voulait tellement venir chanter en direct sur l'antenne qu'on va la passer. Big Girls Don't Cry, c'est le tout dernier Fergie, et suivi d'Hidden Sense avec What You Do. Excellente écoute, c'est Estival FM, c'est sur le 107.4. Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself and center. Clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Because I'm straight in. Hidden Sense avec le titre What You Do sur l'antenne d'Estival FM. Vous écoutez le Club VIP. Le Club VIP. Club VIP. Et voilà la suite du programme. Bah, c'est toujours et encore avec pour notre plus grand plaisir et votre plus grand plaisir auditeur que nous recevons le groupe Hidden Sense avec les deux leaders charismatiques Maxime, Mickaël. Ça va dans les studios, ça se passe bien ? Non, oui, pardon, l'ambiance est bonne ? Ouais. D'accord, vous avez offert un petit jus d'orange, vous savez qu'ici on boit beaucoup de jus d'orange pour être en forme. Juste ça, ça marche bien le matin. Ah ouais, puis le soir aussi ça marche pareil. Nous allons vous proposer un dernier, enfin pour notre plaisir, hein, là, l'exclu à un dernier live. Donc, que vous vous chanterez ce soir ou pas? Ouais. C'est qui va chanter ce soir? En fait, ce soir c'est un peu particulier car la chanteuse est pas là. Et donc du coup. Mais en fait, t'es le chanteur, on le sait. En fait, voilà, finalement. C'est ça. Je vais chanter. T'es le chanteur caché du ce soir. Et donc bon, déjà je chantais sur quelques chansons et donc là je chantais sur plus de titres. D'accord. Alors en live, Hidden Sense, là, vous les avez entendus avec le titre What You Do. Et là, qu'est-ce que ça va être pour ce titre-là? C'est lequel? Celui-ci va être Faithful. Ok, on y va. C'est parti. Que vous pourrez retrouver dès ce soir au concert de Tress Raoult, au jeudi de Tress Raoult, c'est officiel, c'est Hidden Sense et ils vont tout déchirer comme on dit. Merci en tout cas et puis, Merci. Vous allez assister quand même à ce moment assez fou du canular téléphonique puisque c'est la Saint-Olivier aujourd'hui. Vous connaissez des Olivier dans le studio? Ouais, non, personne? Si. Ouais, Léna connaît tout le monde. Hein. Club VIP. Alors, nous allons appeler une entreprise qui fait du nettoyage. Ok. D'accord. Alors, pour m'assister, passe de l'autre côté. Hein, au cas où il y a des blancs, Léna, tu sais que tu reprendras comme ça. Puis tu vas peut-être participer au canular 1 de ces 4. Donc voilà, j'appelle une entreprise de nettoyage. Et on leur fait le coup d'un nettoyage pas très louche. Pas très net, plutôt. Un peu louche. On va voir. Là, c'est de l'impro total. Allô, oui ? Oui, bonjour. Bonjour. Jacques Pazzonier à l'appareil. Oui ? Je vous appelle pour savoir vos conditions de nettoyage de surface sale. Ouh, je crois que vous faites erreur, monsieur. Ah bon, où suis-je ? Les articles d'entretien. C'est exact. Pas de nettoyage. Ah oui, non, mais tout à fait. Est-ce que vous avez des articles qui nettoient des taches incrustées ? On n'a pas de produits. On n'a que des éponges, des récurrents, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, moi, j'ai du produit. Par contre, j'arrive pas à trouver l'éponge. Ah, alors attendez, inquiétez pas. Hein. Compliqué, hein. C'est compliqué, les canulars. Non, mais c'est compliqué, les canulars. Moi, je vous le dis. Avant, c'était plus facile. Allô ? Je cherche une éponge. Allô, ta mère. Elle est partie la chercher. Bah je sais pas, elle est partie faire quelque chose. Elle la fabrique là. Ah. Donc nous vivons un canular en direct. Ça se passe très bien, une fois de plus. Nous sommes coincés au téléphone avec une personne. En train de fabriquer son éponge. Voilà, elle fabrique une éponge en direct. Puis ça se trouve, elle nous entend, puisque c'est la radio, c'est le plaisir. Des petites dates. Vous pouvez communiquer des petites dates. Là, vous avez le temps pendant qu'elle va chercher l'éponge. On a déjà le 21 à Lilleurande, 21 juillet. Le 20 juillet à Le 20 juillet à Trier. Avec le noir. On a le 9 août. A priori, non, le 2 août, pardon, la semaine d'avant, le 2 août, a priori au Flambard à Lannion. Et puis, début septembre, il y aura aussi une date au Bambous. D'accord. Ah ouais, le Bambous, carrément. Sûrement, ouais. Vous allez mettre le feu sur la plage. Allô ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Jacques Pazzoni à l'appareil. Oui. Voilà, je travaille, disons, dans un milieu où on fait pas mal de tâches. Oui. Et je chercherai en fait des éponges, enfin tout ce qui est un petit peu qui permet de retirer toutes ces tâches qui dans ma profession peuvent me coûter cher. Et quel type de tâches, quoi, par exemple? Bon, il y a des tâches un petit peu, comment dirais-je, vous savez, tout ce qui est difficile en fait, c'est tout ce qui est un peu du sang, de l'hémoglobine. Je suis plus orienté dans la boucherie en fait. Bah écoutez, vous cherchez des produits d'entretien d'une façon générale, donc. Oh, mais particulièrement, les produits, je les aime, moi j'ai pas la gratounette, si vous voulez. Ah oui, donc c'est de l'éponge classique, genre entre Scotch Brite ou Spontex, quoi. Ouais, mais qui pourrait absorber du sang, principalement. Bah, l'éponge cellulosique absorbe tout, hein. Ouais, ouais. Vous avez une Rolls-Royce de l'éponge? Ah, bah hormis l'éponge cellulosique, hein. C'est la plus forte. En termes d'absorption, oui, je vois pas très bien. Est-ce qu'on peut, par contre, on a certains produits parfois, parce qu'on est appelé à travailler dans l'urgence, et des fois on renverse du produit, du matériel qui coûte très cher. Est-ce qu'il y a des éponges qui permettent de récupérer du liquide ou même autre chose, et finalement, vous savez, le garder dans la partie spongieuse et le remettre dans un verre, par exemple? Bah oui, une sorte de tapis éponge, oui. Ah oui, tout à fait. C'est oui, ça. Oui, qui pourrait effectivement absorber. Ensuite, on peut l'essorer dans un récipient pour le récupérer, oui. Enfin, partiellement, en tout cas. Vous avez des filtres? Non, c'est pas... Oui, enfin, non, nous, on ne fait pas tout ça. On découpe de l'éponge. D'accord. Parce que vous savez que dans le commerce, vous savez que c'est compliqué. Parce qu'avec les petites éponges, un côté vert, un côté jaune, nous, on en laisse la moitié quand on veut vraiment frotter la tâche. Enfin, ça, vous connaissez le problème. Ouais, mais vous devez gratter aussi ou vous devez uniquement... Ah, nous, on gratte, on frotte, on fait un peu tout. Ouais. Bon, quelle quantité vous achetez de ces produits-là? Oh, moi, j'en veux deux. Deux éponges? Oh, oui, deux grosses. Bah, écoutez, moi, très... Vous êtes dans quelle région? Bah là, actuellement, on voyage pas mal sur la France, puisque c'est un métier, malheureusement, on ne peut pas exercer au même endroit. Vous avez un grossiste de produits d'entretien habituels? Ah, des grossistes, on en a, mais de produits habituels, pas vraiment. Bah, ils ont ça, on a des distributeurs, nous, je sais pas si... Bah, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un très bon produit qu'on vend, par exemple, dans le magasin Gamme Vert, si vous connaissez. Ah, mais bien sûr! Bon, alors... Il y a un produit qui s'appelle... Donnez-moi le nom, voilà, c'est ça, le nom du produit phare. Éponge à récurer. Ouais. C'est des petits lots de 3. Ouais. Sous la marque Agrinet. Ah ouais, bien. Alors, il y a d'autres concurrents à Agrinet? Je crois qu'il n'y a que nous dans ces produits-là. Ah, vous êtes d'accord, c'est bien. Chez Spontex. Ah d'accord, ok. Le matériau, c'est le top de chez Spontex, voilà. Bon, bah c'est super. Bon, là, ça devrait... Bon. Alors, vous pouvez trouver ça chez Gamme Vert, donc, ouais. Produit à la marque Agrinet. C'est leur marque à eux, hein, Salinette Agrinet. Ok, bah écoutez, en tout cas... Ils sont spécialisés dans les milieux un peu... Un peu louches. Non, agricoles. Ils travaillent beaucoup avec les laboratoires agroalimentaires. Non, mais si vous voulez, nous, on fait dans la limite de l'égalité, la légalité, si vous voulez. Ah bon? Ouais, enfin bon, c'est une profession à part. Mais en tout cas, je vous remercie pour la marque. Et je vois dans le calendrier, parce que je travaille là dans mon bureau, je vois que c'est la Saint-Olivier en plus. Je sais pas si Ah bon, c'est... Ah oui. Et je vous souhaite une bonne fête, en tout cas. Voilà, bah, écoutez, merci. Vous avez eu nos coordonnées par où ? Par Internet ? Oui, tout à fait. Ah, bon, d'accord. On travaille comme ça, nous. Ouais. Bah, écoutez, on n'a pas de beau temps. Quelle que soit votre activité, hein, que j'ai toujours pas bien située, mais bon. C'est la tâche. Oui. La tâche de sang, quoi, principalement. Oh, pas que. Ah, bon. Mais en tout cas, la marque est très intéressante et nous en ferons bon usage, monsieur. Eh bah, écoutez, très bien. Voilà. Bonne journée. Et également, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Il devenait bavard, il voulait en savoir plus. Ah bah c'était une activité louche où on travaillait dans le sang. Moi j'ai dit c'était un canular film d'horreur. On l'a fait jusqu'au bout. Bon, il était sympathique ce monsieur, ma foi. Poser des questions là. Ouais. Natacha Bedingfield pour la musique avec Soulmate. On retrouve quoi d'ici la suite ? La météo. Au hasard. Ah, la météo, c'est vrai. Vite. Natacha Bedingfield. Incompatible, it don't matter though, 'cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do, you're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable? Is already in my life, right in front of me, or maybe you're in disguise. Who doesn't love for someone to hold? Who knows how to love you without being told? Somebody tell me why I'm on my own. If there's a soulmate for everyone, oh yeah, yeah. Here we are again, circles never end. How do I find the perfect fit? There's enough for everyone, waiting in Club VIP, je vous rappelle que vous allez pouvoir jouer d'ici quelques instants pour gagner la bourriche d'huître. 48 huîtres à gagner, c'est pas mal ça, hein. Ouais, en plus elle est à ma droite, je la vois, elle est superbe. Ah, t'as vu la bourriche? Elle est sympa. Elles sont fraîches ou pas? Moi ouais, ça peut aller, ça va. On en une pour voir. Écoute là. Ça a l'air bon, en tout cas appétissant. Donc 48 huîtres à gagner, et vous le savez, vous êtes bien sûr invité à participer à notre jeu qui s'appelle le Sun Game. On fera la correction du Sun Game d'hier, vous avez été très peu nombreux à nous donner la bonne réponse, comme quoi on a peut-être été dans la difficulté. Oui, hein, c'est vrai, on a été dans la difficulté pour vous trouver une question dure, tout simplement. On va attaquer avec la météo des fruits de mer. La météo des fruits de mer, c'est avec notre comparse Léna dans les studios. Je te cale juste ce qu'il faut pour nous restituer du soleil, parce que c'est ça que les auditeurs attendent. Hein. Quitte à mentir un petit peu, ou à tricher, à embellir la vérité. On y va, c'est la météo des fruits de mer. Je ne te trouve plus ton générique. Allez, c'est parti. Tu me refais mon générique. Alors aujourd'hui le ciel sera couvert avec de la brune et de la pluie. Donc en fait il va pas faire très très beau, il fallait en profiter hier, c'est bien dommage. Par contre il fait 19 degrés cet après-midi. J'ai senti ça. Ça va, il fait bon, il fait doux. J'ai senti que ça avait chauffé. Ouais. Par contre le week-end va être beau. Ouais. Oui, j'en suis sûre. Tu peux l'annoncer là? Oui, le week-end, oui, officiellement, le week-end sera ensoleillé. D'accord. Bon, bah alors, c'était la météo des fruits de mer. La météo des fruits de mer. Votre été en direct de la radio. Voilà. Merci pour mon jingle après l'annonce de la météo. La suite du programme, Léna, dans la radio. Le Dance Machine du jour. Voilà, on va voir le Dance Machine du jour consacré, on vous dit rien, c'est surprise pour la musique, c'est Gwen Stefani, Four in the Morning. Waking up to find another day. The moon got lost again last. Le monde de la radio est en ébullition. Le Club VIP vient d'ouvrir ses portes avec Léna l'expert. L'experte, elle est partie sonder les vacanciers en leur posant la question: quel est votre objet fétiche? Avec Jacques l'anglophone. À l'instant, c'était Fédé le Grand, put your hands up in the air. Ils vous font gagner chaque jour une bourriche d'huîtres. Allô, bonjour? Oui, bonjour. C'est la radio estivale. Oui. Et vous venez de remporter, mademoiselle, 48 huîtres. Super. Alors, ça fait quoi? Un bon repas en perspective. Le Club VIP entre 10h30 et 12h30. Ah oui, bon repas Club en perspective VIP. Et c'est le Club VIP qui continue dans cette ambiance de folie avec Léna qui est dans les studios toujours et qui nous annonce tout simplement la suite. Ça va être le Dance Machine du jour. Et le Dance Machine, c'est important, c'est le revival de l'année 90 que tu nous trouves à chaque fois, voilà, dans tes archives. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors aujourd'hui, j'ai choisi East 17. Donc est-ce que tu t'en souviens? Non, pas du tout. C'est le groupe anglais boys band des années 90. Donc leur nom vient du code postal d'une ville de la banlieue de Londres. Donc ils sont pas cassés la nénette, on va dire. Donc je vais retracer vite fait, entre carrière solo, recomposition de groupe à 3 au lieu de 5 et re-carrière solo pour certains, en fait le groupe se reformera pour un concert le 30 mai 2006 à Londres. Donc c'est fait. Voilà, et on les entend plus maintenant. D'accord. Donc tu m'as dit tiré d'un code postal, c'est ouais, ça? Ouais, d'une ville de la banlieue de Londres. Et alors, si on voulait nous créer un boys band ici, ça serait le 22-7000. Ok, et donc c'est fini pour eux alors. Voilà. Sauf ici sur l'antenne, puisque nous vous offrons le Dance Machine du jour. Voilà. Mm-hmm. Mais en fait, ils ont beaucoup de fans quand même. Ah, vas-y, il y a des petites news là sur les fans ou... Non, mais en recherchant un peu ce qu'ils ont fait dans leur vie, j'ai regardé, il y a énormément de sites de fans quoi. Ouais. Ouais. Plus qu'à l'accoutumée, comme on dit. Voilà. On écoute laquelle alors? Je vous propose. It's Alright, je crois, un truc. It's Alright, The Governor Mix. Sommet de la bande FM. Un slow encore. Hein. Non. Ouais, c'est pas un slow. Un peu quand même. C'est le début. Ah d'accord, ça va partir. Il ouais, faut les laisser. Bon, on vous laisse avec East 17. Don't you worry, it's alright. Don't you worry, child of the nine. Cause in the morning come with the new day sun. Love never less than line. We are the seed of a new breed. We'll succeed, our time has come. We are the new, these words are true. Let the light of love shine through. It's alright, it's alright, it's alright, it's really alright, it's alright, it's really alright. To live, no, don't be so sad. I'll be mad if you're this. It's so- Et il s'agissait d'E70s avec le titre Lena. All right, Governor Mix, c'est un mix. Ok, vous écoutez le Club VIP et on va attaquer avec la vitesse de croisière. Et la vitesse de croisière, bah, ça va être le Sun Game d'ici quelques instants. On va vous faire gagner des huîtres, on va passer à la puissance Millennium. On va également vous faire un petit tour de l'horizon des télévisions, mm-hmm. puisqu'on va parler jeux. Il y aura également un point sur le réflexe relax. Oui. On fera également un point sur le lancement vacancier. Ça fait longtemps qu'on n'a pas retrouvé un vacancier qui venait lancer en direct un titre. Et puis le rappel du journal, bien sûr, qui est maintenant et qui va se passer sous vos oreilles ébahies, auditeurs. C'est le journal. Le journal d'Estival. Le journal d'Estival. Alors, il y a eu un grand mystère à Tokyo aujourd'hui, au Japon. C'est vrai. Puisque des enveloppes contenant des billets de banque accompagnés d'un mot invitant les Tokyotais. Comment on appelle les habitants de Tokyo ? Tu me poses une colle. Les habitants de Tokyo à accomplir des bonnes actions. Donc ces enveloppes ont été découvertes dans tout le Japon d'ailleurs, mm-hmm. transformant une singulière chasse au trésor en énigme nationale. Cours avec les vaches. Madrid, un groupe de femmes invoque l'équité entre les sexes pour justifier sa drôle de requête. Pouvoir courir devant les vaches lors des célèbres fêtes de Pamploum, puisque les hommes affrontent les taureaux. C'est bien sympa. Ouais. Niveau cas par mort estival. Alors, au niveau cas par mort estival, donc cas par mort. Pour cet après-midi, il y a sculpture sur sable avec des animaux marins de 14h à 16h. Ensuite, hockey. De 15h à 17h à Central Park, et tech et baseball sur la plage de Tres Traou à partir de 14h30. Pour la soirée, c'est rando-kayak de 17h à 19h30 et venez vous initier au bowling à partir de 19h30. Et ce soir, podium jeune talent. Ah, pas raté, il y a deux groupes. Ouais, avec les jeudis de Tres Traou à partir de 21h. Bien. Pour demain ? Oui, pour demain. Pour demain, vendredi, alors activité manuelle, sable de couleur. Ah. Ensuite, vous avez du tennis ballon de 14h à 15h, donc à Trestrignel, suivi d'un tournoi de tennis ballon. Pour la soirée, c'est la balade sur la Gentilesse, c'est ça ? Oui, c'est le bateau à la Gentilesse. Ouais, d'accord, de 17h à 19h30. Ensuite, tennis de table à partir de 17h et tournoi à partir de 20h. Et donc, c'est pas mal, là. Ouais, c'est sympa comme activité. Et pour Destination Bien-être, donc cet après-midi, ils seront avec nous. Dans les studios pour faire leur émission, et demain ils vont vous renseigner sur les MST, car aujourd'hui c'est important, il faut se protéger, et aujourd'hui et ils sont là pour nous conseiller. Et bien, un programme en perspective informatif, récréatif également, pour la musique Coxy avec Garçon. Mon scooter dans Paris, d'une voiture au feu rouge, un mec me dit hey « Eh madame, il est quelle heure ?» Je lui réponds midi, il me dit « Madame, qu'est-ce que t'es bonne, tu veux pas me faire une gâterie ?» Ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris. Je réponds « Mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens, tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. » Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde, il fait « Vas-y, parle pas de ma mère ou je te défonce !» Je lui réponds « Du calme, Alphonse, je te connais pas, tu m'agresses, c'est quoi ce manque de délicatesse ?» On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses, il me dit « Ouais, mais toi je te... » Je lui dis ben non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et garon con, ma fille, garon con. Garon con, garon con, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et garon con, ma fille, garon con. Chemin au feu suivant, j'entends hé, hey, grosse cochonne, quand tu veux, je te prends. C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec, redescends de ta planète. Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas le poil sur la quéquette. Il me dit vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je veux te la mettre. Tu dis c'est moi qui suis vulgaire, non mais là c'est la fête. Je rêve, pour qui tu te prends maintenant, tu t'arrêtes. Je descends, il descend, je dis c'est le bordel dans ta tête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Là t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Il me dit non, toi tu t'excuses, espèce de vieille sorcière. C'est la meilleure, je t'ai donné l'heure, j'aurais mieux fait de me taire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et garon con, ma fille, garon con. Garon con, garon un garçon. Quelle honte, il mériterait une bonne leçon. Tu veux jouer, on va jouer, je lui dis baisse ton caleçon. Tu parles beaucoup, ça manque d'action. Tu m'as demandé une. Tout à coup Alphonse a une révélation. Il renonce et me dit ouais vas-y c'est bon, lâche-moi, pardon. Je lui dis c'est bien, là t'as l'air moins con. C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes de cette façon. Y'a un sérieux problème d'éducation. Pourtant, je suis sûr que t'as un bon fond. Il me dit t'as raison, je me sens tout bidon. C'est mes potes qui me poussent, j'ai la pression. Je lui dis c'est bon, pleure pas, il manquait plus que ça. Alphonse qui fond en larmes dans mes bras. Je lui dis toi t'as besoin d'amour, ça se voit, allez viens là. Fais un bisou à tata. Tu sais que garçon, si t'enlèves la séville, ça fait garçon. Et garçon con, ma fille, garçon. Et à l'instant, c'était Cooksy avec le titre Garçon. Et nous allons attaquer avec le TVScope, puisque l'actualité de la télé n'attend pas. Et sur l'antenne, nous aimons restituer comme ça ce qui se passe à la télé. C'est quelque chose d'important pour nous. Voici venir l'heure du TVScope, l'histoire de ne plus suivre la télé et seulement d'écouter la radio. TVScope, donc c'est à toi, hop, clac. Le TVScope. Toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Or aujourd'hui dans le TVScope, on va parler de l'île de la Tentation. Ah ! Ça y est, c'est revenu. TF1 diffuse la nouvelle saison de l'île de la Tentation. Donc elle se passe au Mexique. On a toujours 4 couples. Donc je vais te les présenter un petit peu. Présente-les-moi. Voilà, donc il y a Lise et Anthony. Donc eux, ils veulent tester leur amour parce que en fait, Lise a déjà été trahie par Anthony et donc ils veulent voir s'ils peuvent recommencer quelque chose, tu vois. Après, il y a Karine et Olivier, donc eux, c'est le parfait amour. Ils ont décidé qu'après l'aventure, s'ils réussissaient à partir tous les deux, ils adopteraient plein d'enfants, ils feraient ces familles nombreuses, tu vois, ils sont super calés là-dessus. Yeah. Ensuite, nous avons Benjamin et Fiona. Alors Benjamin, c'est un séducteur. Il aime être séduit et il aime séduire, donc c'est le problème de Fiona, puisque son copain adore draguer les filles. Ensuite, il y a Lindsay et Johanna pour finir. Donc Lindsay veut montrer à Johanna que c'est la femme de sa vie. C'est magnifique. Lindsay et Johanna, il y en a un, c'est un garçon, c'est ça, ouais, c'est Lindsay. Non, non, c'était pour savoir. D'accord. Donc moi, j'ai adoré la... En fait, quand ils sont arrivés et qu'ils se sont séparés pour aller sur leurs deux plages différentes, parce que t'as une plage fille et une bien plage sûr, garçon. Je connais bien. Hein. Voilà. C'est où ça ? Moi, j'ai adoré parce que ça pleurait, ça faisait des bisous, tu vois, ils avaient peur d'y aller. Et en fait, la phrase culte que moi j'ai retenue et que j'ai adoré, c'est « Sois forte, si tu es forte, notre couple tiendra. » Ah ouais. Attends, mal. C'est magnifique ça. Ça c'est beau ça. Franchement, c'est beau. Donc en bref, au bout d'une heure de soirée, Anthony et Benjamin se sont mis direct dans l'ambiance. Donc ils ont déjà trouvé leur tentatrice préférée puisqu'il y a eu un petit touchage. Touchage de quoi ? De bout qui dépasse. De poitrine, on va dire. Voilà. Le sein du jour. Le sein du jour, si tu préfères. Dans l'heure, avec Anthony. Et Benjamin, il a déjà trouvé sa tentatrice préférée. Donc, Et la semaine prochaine, c'est sympa, ça devient vachement croustillant puisque Anthony embrasse une des tentatrices. Ah, ça y est, c'est... Dans la piscine. Ça rappelle un petit truc, on se souvient d'une émission où il y a eu... Des choses dans une piscine. Des choses dans une piscine, c'était assez sympa. Ils veulent absolument qu'il se passe des choses dans une piscine, ouais. Ah mais c'est toujours ça, c'est l'eau, tu vois, ça fait quelque chose. Ah, et bon. Ouais, c'est sûr. Et donc voilà, donc la semaine prochaine, ça a l'air d'être croustillant. Ah oui, il y a un petit bémol, c'est que... Quand j'ai vu la bande-annonce de la semaine prochaine, j'ai été un peu déçue puisque l'INSEE, dis-moi, la production de TF1 va montrer à l'INSEE des images de sa copine en train de, apparemment, draguer un garçon alors que c'est pas du tout vrai et que c'est elle qui est la plus amoureuse et je pense que c'est le couple qui va gagner. Ah, ça y est, révélation ah, sur l'antenne. Ouais. Bah, c'est bien ça. Mm-hmm. Bon, pas trop dur. Non, ça va. C'est marrant. Merci en tout cas d'avoir décrypté cette télé-réalité pour nous. Pour la musique, c'est Sky Spirit. Did you find out? à l'instant. Club VIP. Voilà, à l'instant dans le Club VIP, c'était Sky Spirit. Did you find out? On va jouer d'ici quelques instants à la suite de notre jeu, tout simplement le Sun Game, pour gagner des huîtres sur l'antenne. Et aujourd'hui, nous avons combien d'huîtres à gagner, Léna? 48 huîtres. Comme d'habitude, 48 huîtres. Et également des singles NZH, Princess. Il y a également l'album d'Aiden Sense que vous pourrez voir se produire en concert ce soir si vous voulez en gagner. On vous en offre tout simplement en jouant au Sun Game. On va peut-être faire la correction du Sun Game d'hier. Non, tu l'as pas, Léna. Oui, parce qu'hier nous avons fait un jeu qui s'appelait le Sun Game également et vous avez été peu nombreux à trouver la bonne réponse. Voilà, Léna, alors quelle était l'énigme d'hier? Alors, mon premier est un trouble obsessionnel compulsif. Donc on avait dit aussi que c'était le bruit quand on frappait sur la porte. Toc toc, toc donc toc. C'est un toc. C'est un toc. Mon deuxième est une interjection un peu surannée, synonyme de wesh. Bah, c'était yo. Bah oui. Voilà. Mon troisième est un établissement pour dormir hein, quand on est en voyage, en déplacement. Un hôtel. Donc mon tout était un groupe très à la mode. Et toujours à la mode. Tokyo Hotel. C'est ça. Voilà. Vous avez été très très peu nombreux à nous donner la bonne réponse. Pas facile hein, quand même. Nous allons jouer d'ici un titre au prochain Sun Game pour vous faire gagner la bourriche d'huîtres, les CD de NZH et l'album de Aiden Sense. Pour la musique, c'est Luxurial Make Me Feel. DJ Twin. You make me feel so good. You make me feel so good. You make me feel so good. club VIP. Something Martin Solveig, Cabo Parano sur l'antenne d'Estival FM. C'est le club VIP et on va être premier sur les 8. Estival, premier sur les 8. Estival, premier sur les 8. Sur les 8. Bien sûr. Pourquoi premier sur les 8? Parce qu'on va jouer au Sun Game, donc il va retrouver la charade, la réponse à la charade. Et aujourd'hui, le Sun Game est particulièrement difficile, une fois de plus, parce que vous êtes nombreux à nous donner plein de bonnes réponses, donc on essaie un peu de corser le jeu. Il s'agit de trouver une artiste, une chanteuse, qui a chanté de bien belles chansons et qui a été en duo, on peut vous le dire, là, avec Shakira récemment. Voilà, petit indice. Petit indice. Ah, c'est cadeau. Sun Game. J'ai même pas... Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. J'ai plus besoin de lire la charade, là. T'as carrément donné tout ce qu'il fallait. Donc, mon premier est une balle ronde en verre avec laquelle les enfants s'amusent. Donc, durant la récréation, souvent. Mon second est un félin proche du tigre. Mon troisième est la troisième lettre de l'alphabet. Mon tout est cette chanteuse. Il a chanté en duo avec Shakira. Alors, si vous avez la bonne réponse, un texto 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Mais vraiment, si vous avez la bonne réponse, c'est quoi qu'il faut faire? Il faut envoyer un texto avec la bonne réponse. Oui, au 0622 69 18 19. Et n'hésitez pas à aller le plus vite possible parce que c'est les premiers SMS qui arrivent qui sont les gagnants. Il y a 48 huîtres à gagner tout de même. Elles sont excellentes, hein. Mais pour les avoir goûtées, elles sont uniques, c'est les huîtres estivales. Donc n'hésitez pas, il y a des singles également à gagner, pas mal de choses bien sympathiques. Pour contacter la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Heavenly pour la musique. Thank you. Club VIP. Heavenly à l'instant pour la musique avec ce titre excellent pour l'été. Et nous allons conclure cette émission par un petit point sur ce qui s'est passé. Nous avons souhaité la Saint-Olivier. Oui. Nous avons reçu le groupe Hidden Sense qui nous ont très gentiment offert un album pour vous les auditeurs. Et puis on vous en fera gagner régulièrement dans l'émission. Il y a eu un petit point également sur les infos insolites des billets de banque retrouvés au Japon. Au Japon, une course de vache à Madrid, c'est ça ? Pour l'équité entre hommes et femmes. Et on sait maintenant que les pins que vous préférez, les gâteaux fourrés, c'est à l'orange. Et aussi l'île de la tentation. Voilà, l'île de la tentation, c'était pas mal parce qu'il y a eu pas mal de petites révélations. Et on sait, grâce à toi, Léna, que dans le prochain épisode, il y aura de l'embrassade. Ouh, ça va être chaud. Ça va être très chaud. C'était le club VIP. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous. Merci à vous aussi. Voilà, à demain. C'est, ouais. C'est pour le week-end demain. Bah oui, ça commence. Demain, hein. C'est le début du week-end. C'est trop bien. Alors attention, parce que quand c'est vendredi, c'est fou, c'est folie. Donc à demain, même heure, même endroit, même punition. Allez, wouhou! Conclure cette émission quand même, petite dédicace spéciale, Léna. Bah oui, à Agathe, Cindy et Mallory qui nous écoutent en permanence et bien plus souvent qu'on ne le croit. Donc bisous les filles, bon après-midi et puis on vous passe Mika avec Love to Death. Vous êtes génial, ouais. Tous les auditeurs aussi. Et si va la Féroce Kurek au sommet de la bande FM. Sommet de la bande FM. 107.4. Gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway, you.